Le gouvernement attend user de ses prérogatives constitutionnelles pour restaurer et raffermir l'autorité de l'État, assainir l'environnement économique, financier et monétaire, en matière de droits de l'homme en particulier. Les prisonniers politiques ont été libérés, la gestion des prisons humanisée, la liberté d'expression est garantie. Le Zaïre compte aujourd'hui plus de 300 titres de presse écrites. D'autre part, tous les courants politiques ont accès aux médias publics. Sur le plan économique et social, la situation est simplement dramatique. Le Zaïre traverse depuis 90 une crise aiguë qui se manifeste essentiellement par une inflation à quatre chiffres, un recul de la production dans tous les secteurs. Les infrastructures hospitalières et scolaires sont dans un état de délabrement avancé. Cet état de choses entraîne la recrudescence de maladies pratiquement éradiquées autrefois, telles que la maladie du sommeil, la peste, la tuberculose, la malaria et, comme si cela ne suffisait pas, le sida. Les événements du Rwanda sont venus exacerber l'état de la crise généralisée du pays. Voilà pourquoi le Zaïre a plus que besoin du concours ainsi que de la solidarité des États que vous représentez, afin de le soutenir dans les démarches tendant à obtenir une reprise de la coopération avec l'Union européenne. Cette tragédie du Rwanda, nous l'évoquerons dans un instant, mais il nous faut avant cela, Eliki Ambukolo, comprendre les raisons du cafouillage zaïrois dans les mois et les années qui suivent la conférence nationale souveraine. C'est vrai que deux années de conférence nationale, cela représente la durée la plus longue de toute l'Afrique. Il est clair que l'une des explications est que toute l'opposition zaïroise venait de l'ancien parti unique et, fin connaisseur, le maréchal Mobutu n'a eu aucun mal à manipuler les uns et les autres. La transition démocratique se déroule d'autre part au milieu de toutes sortes de violences et de pillages, notamment ceux de 1991 et 1993, qui ont achevé de ruiner une économie en crise depuis près de 20 ans. On a l'impression que la population se trouve en quelque sorte anesthésiée par tous ces événements. Et l'enlisement du Zaïre aurait probablement duré beaucoup plus longtemps s'il n'y avait pas eu le drame rwandais de 1994. Le Rwanda du général Habyarimana avait pris pour modèle le Zaïre du maréchal Mobutu. Mais la différence entre le Zaïre et le Rwanda, c'est qu'au Rwanda, il y a le problème Hutu-Tutsi. Après les massacres des Tutsis en 1959 et 1973, le pouvoir était exclusivement entre les mains des Hutus. Et les durs parmi les Hutus avait créé en 1993 une radio spécialisée dans la diffusion de propagande et de messages violemment anti-Tutsi, la radio Milcolin.